Aketo 13 et 16, bébé. Ok, s'il te plaît, dis-moi tu vas faire quoi. T'as devant toi un robot de gros renois. 13 et 16, Aketo c'est le dawa. Nos rimes pointues vont percer toutes tes parois. Un son digne des rues sales de Los Angeles. En direct de la France, de ta sale jeunesse. Ça vient du 78, c'est du rap de test. On a la classe du quartier, donc beaucoup détestent. Trésor massif, shooter de Batty Boy. Le charisme à Biggie, j'aurais pu signer chez Bad Boy. On va fumer les MC, amène la charrue avant la bœuf. Écrit 22 quand elle est bleue. Les bras en l'air comme les ports du Lamborghini. On a les crocs, loup-garou quand il est minuit. Aquette, c'est de la délinquance sexuelle. On a fuck le game français, j'ai du sang sur la braguette. Massif, massif, le son est trop massif. Ma rime te touche au crâne et je vais pas rater ma cible. Crasheur de venin, 13 et 16 et Aketo. C'est pire que Kingston, le sous-système est trop ghetto. Massif, massif, le son est trop massif. Ma rime te touche au crâne et je vais pas rater ma cible. Crasheur de venin, 13 et 16 et Aketo. C'est pire que Kingston, le sous-système est trop ghetto. J'suis ton élément, parce que j'kiffe trop les instrus saletés. Écoutez, dès les premières notes, on sait si ça le fait. Ma sale tête, à l'affiche avec un regard qui vous nargue. Pour les sales têtes, ils s'extasient devant mon bureau d'art, on vire au hard. Moi j'en vois la purée dans ton visage. Maintenant regarde-toi, t'as la nouvelle crème folasse. J'ai qu'un gros dégueulasse, comme cette époque de fils de lâche. Hélas, je peux d'effort pour que le vice me lâche. Faut pas que les misses se fâchent ou qu'elles se disent que je cache mon jeu. Moi je suis qu'un homme, des fois je pense avec ma queue poupée. Sois pas choqué, faut que tu saisisses le truc. Je vais pas t'ouvrir mon cœur pour être le père d'un fils de pute. La vie c'est pas un film de Hugues, bitch. Croisant celui qui s'est fait griller, tu m'as vu. Je glisse sur la structure de façon cool, mais j'ai le truc dur, le truc tard, le truc pur, le truc bien. Les poteaux 13 et 16 quadrillent le terrain. Aketel escadrille, cousin ça pèse, ça brille. J'suis tellement fluide, j'ai le frôlot, me demande qu'est-ce t'as pris. C'est ça le guest, Aketo Mike, ça pèse, ça brille. Massif, massif, le son est trop massif. Ma rime te touche au crâne et j'vais pas rater ma cible. Crasheur de venin, 13 et 16 et Aketo. C'est pire que Kingston, le sous-système est trop ghetto. Massif, massif, le son est trop massif. Ma rime te touche au crâne et j'vais pas rater ma cible. Crasheur de venin, 13 et 16 et Aketo. C'est pire que Kingston, le sous-système est trop ghetto. Moi j'ai pas, mais j'arrache à ceux qui ont. Comme Sarko, mon doigt le plus long pour sonder l'opinion. Je vais leur donner de vraies raisons de sucer. Papa test, tu peux papa test. PD, Paname 1 jusqu'au 9-5. Enneigé, été comme hiver. Sans froid reptilien comme Agisser. On a du scorpio pour les vipères. C'est rara, crache mon venin de plomb sur les crotales. Aketo style, salam alaikum, c'est à la bas les couilles. Non, on fait plus semblant. Maintenant, y'a moi, puis y'a les gens. Comme le taf avant l'argent, pélo. Tu crois pouvoir rapper comme nous, mais tu te trompes. Tellement t'es dans nos Prada que t'es à côté de tes pompes. Mais prie pour que je prenne mes thunes avant l'heure du décompte. T'es fou, je te soigne même tes camères, je te dompe. Rabat, je fais rap comme une patate de forain. Dis au prof ce que les gosses chantent, donne la patte d'un vaurien. Chacha, un vrai film de cul pour les fous et les criquets. On fait jusqu'au sap, mes chats, je vais électrifié. Qu'est-ce que tu vas faire après, yeah. hein? Massif, massif, le son est trop massif. Ma rime te touche au crâne et je vais pas rater ma cible. Crasheur de venin, 13 et 16 et Aketo. C'est pire que Kingston, le sous-système est trop ghetto. Massif, massif, le son est trop massif. Ma rime te touche au crâne et je vais pas rater ma cible. Crasheur de venin, 13 et 16 et Aketo. C'est pire que Kingston, le sous-système est trop ghetto. S'il te plaît, dis-moi tu vas faire quoi. Quoi. S'il te plaît, dis-moi tu vas faire quoi. S'te plaît, dis-moi tu vas faire quoi. S'te plaît, dis-moi tu vas faire quoi.